Improvisation, la GIF laisse toute la scène à son équipe des Verts, le Géant, pour un match spécial. Venez voir ce que la formation de Thomas Tremblay a concocté pour vous faire rire et déguster au passage une excellente bière de microbrasserie. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à la Corrigan. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical. Et Marc Chaunet à l'animation. Deux heures de bon rock progressif. Bruno nous a concocté une sélection. Là, j'ai pas eu le temps encore de tout voir ce qu'il nous avait préparé, mais il y a beaucoup de choses qui sont des découvertes, en tout cas pour moi. Ça débute d'ailleurs avec un groupe Simon House, un groupe que je connaissais pas. L'album Spiral Galaxy Revisited, que je vais découvrir en même temps que vous. Ça va être la pièce Spiral Galaxy, justement, Galaxy 28948. Donc, je pense que ça va être Space, là. Je sais pas quelle est la provenance de ce groupe. On aura également Asia Minor. C'est un album qui est des années 80, Between Flesh and Divine, un des bons disques de rock progressif là, des années 80-90. Dédicace, la pièce qu'on va entendre, et aussi la Boccata la Verita de leur album Avenot. Ça fait 2 ans environ que cet album-là est paru. Vraiment excellent, la Boccata la Verita. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là. C'est un jeune groupe, hein. Ils débutaient avec cet album là mais pour débuter, on y va tout de suite en musique avec Simon House.

89.1. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animées par des spécialistes et des passionnés. Jean-François Artaud et Luc Ferland analysent et échangent sur de grands dossiers actuels de la politique municipale, provinciale et fédérale. Accès pouvoir, le jeudi, 9h. Alors, de retour avec l'émission Terra Incognita, c'est Bruno et Marc avec vous pour du bon rock progressif, comme vous avez pu le constater. La Bocca de la Verita, ça c'est un album paru en 2016, leur premier album, Have a Not, les jeunes, super dynamiques. Et c'était la Rivolta et le Massacro del Terrestri. Juste avant, c'est un album. En fait, on a parcouru près de 30 ans là, de rock progressif avec ce premier bloc-là. Asia Minor, paru en 1980, Between Flesh and Divine. Et pour débuter, c'est Simon House. Alors, j'ai regardé dans la pochette. Ça, c'est sur Black Widow. L'album Spiral Galaxy Revisited. Et c'est un musicien multi-instrumentiste. Là. C'est paru en 2000. Une belle découverte, encore une fois, c'est ce qu'on aime faire à Terra Incognita, hein, découvrir toujours être en terre inconnue sur les routes du rock progressif. On a plein de spectacles qui s'en viennent, vous savez, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le 16 décembre prochain, le Prog Noël à l'Anti avec Universe Effects et Illward. Au début janvier, les 4 et 5 janvier, il s'est rajouté une supplémentaire là, pour The Musical Box qui font leur nouveau spectacle au Grand Théâtre. Ça, c'est un groupe là, vraiment, mais évidemment, hommage à Genesis, mais des années 70, et vraiment excellent. Le 2 février, il y a un hommage à Marillion et Rush là, avec Camera High et Childhood's Hen à Jean-Paul Tardy. Le 19 février, il y a Neil Morse Band à la salle Sylvain Lelièvre. Le 25 février à Montréal. Le 23 février, le Mick Pointer Band. Lui, c'était le premier batteur de la formation Marillion. Et donc, il fait Script Revisited au Cégep Garneau. Ensuite, le 26 février, il y a Alan Person au Grand Théâtre de Québec. Il s'est annoncé aussi, bon, au mois de mars, il y a The Flower Kings, le 1er mars, à Jean-Paul Tardy, le 30 mars, il y a Arena. Arena, une formation du Royaume-Uni, et néo-prog, là, rock. Ensuite, bon, il y a Red Sun, une formation de Québec, là, le 7 avril, au Centre d'art La Chapelle, ils vont présenter un nouvel album qui aura pour titre Forsaken. Il y a aussi qui a été annoncé c'est la formation Riverside qui vont être le 14 mai à l'Impérial et le 15 à Montréal au Club Soda. Et il y a Terra Incognita, le festival 15e édition de Terra Incognita au Centre d'art La Chapelle. Ensuite, les 17, 18 et 19 mai, avec IS Project qui va débuter là, les trois, en fait, le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Et il va y avoir Oak de la Norvège, Bjorn Riss de la Norvège, Basta de l'Italie, Is, super formation américaine, qui viendront présenter un nouvel album à cette occasion, et Airbag, qui est une formation également scandinave, Inner Space, une formation de Montréal, Fido, on est très hâte d'aller voir, Fido des États-Unis, et Finistere de l'Italie, évidemment avec Fabio Zuffanti, et il y a également Orlando, qui joue de la batterie là, avec eux, André Orlando. Alors, on a bien hâte de voir tous ces spectacles qui s'en viennent. En attendant, ben, on continue en musique avec Necromonkey et l'album Show Me Where It Hurts. Également, on aura la formation Neo. Ça, c'est aussi c'est paru en 1980. Et c'est excellent, c'est une formation française, c'est instrumental. Et ensuite, les formations américaines Controlled Bleeding and Sparkle and Grey et leur album Depression, Perversion of the Aging Savant. Oui, c'est ça, voilà. Ça aussi, ça va être encore une découverte pour ce soir. On y va donc avec Necromonkey. We'll be right back. GIFA. Le 26 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle, lundi le 26 novembre. Au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio. Les bien-pensants nous font chier, nous font chier, nous font chier. C'est pas compliqué, compliqué, compliqué. Hoppa! À ceux qui aiment les mots, la chanson à texte, la poésie, l'intelligence, la dérision. Des mots simples, des chapelets d'images, des rimes en rafale. Jamil nous éveille et nous attendrit pour nous faire rire. Jamil, le 21 décembre, à la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre. Dans le fond, tout le monde nous fait chier, nous fait chier, nous fait chier. En vente sur Billettech. Et de retour après cette autre demi-heure vraiment intéressante. On sent vraiment la personnalité de Bruno là, dans cette musique-là, le space rock. Vraiment des bons jams. Là. On a eu droit à ça. En tout cas, ce qui a terminé le bloc, c'était Controlled Bleeding and the Sparkle in Grey. Alors, en fait, ces deux groupes, là, Controlled Bleeding, c'est le premier groupe. Là, donc, la pièce qu'on a écouté, là, c'était de Controlled Bleeding. Et donc, c'est Controlled Bleeding and the Sparkle in Grey, qui est un autre groupe, qui ont fait cet album-là, Perversions of the Aging Seventh. Et c'était la pièce Garage Dab. Dub. En fait, si vous voulez voir ce qu'on fait jouer, la liste des pièces qui jouent aux émissions, également, vous pouvez consulter les émissions précédentes, les podcasts. Allez faire un tour sur terraincognita.québec et vous aurez le détail de toute cette belle musique. On avait juste avant Néo, c'est de la France, c'est leur premier album, donc éponyme, et c'était la pièce Sortie de bain. Et juste avant, ben Necromonkey. En fait, Necromonkey, c'est de la Suède. C'est Mathias Olsson avec David Lundum, qu'on avait vu d'ailleurs ici à Québec grâce à Michel, là, qui avait fait venir en première partie de Ricard Schoblum, il me semble. Puis il y avait également Inner Odyssey qui était là ce soir-là. On avait passé une super belle soirée avec nous. Alors, cette pièce-là, je pense qu'on se disait, Bruno et moi, qu'il l'avait joué, la pièce de Rage Within the Clouds, donc de Necromonkey. Ben, on poursuit maintenant avec un groupe américain aussi dans le style psychédélique Mondo Drag. C'est l'album éponyme Mondo Drag, paru en 2015, et la pièce Plumadilia. On aura également de l'Italie DFA, ça c'est Duty Free Area, de l'album Live Work in Progress, et aussi Lalo Huber, qui est dans le groupe Nexus, un groupe de l'Argentine, de son album solo Lost in Kali Yuga, et la pièce The Hecatomb. Mais on y va tout de suite avec Mondo Drag. Let's see.

you. Thank you. CKRL. À Québec. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolight. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolight.qc.ca. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. C'est KRL qui fait jouer de la bonne musique. Et merci à Bruno pour son choix musical. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Lalo Huber, qui est de l'Argentine. En fait, c'est la tête dirigeante de Nexus. Alors, de son album solo, Lost in Kali Yuga, la pièce The Hecatomb Part 4. Juste avant, le groupe italien DFA, Duty Free Area, Work in Progress. Et on avait débuté avec Mondo Drag des États-Unis. Alors, ben, pour terminer l'émission, il nous reste encore bon 25 minutes de bonne musique, ou presque, avec Three Trap Tigers, Royaume-Uni, Silent Earthling. C'est le titre de l'album et ce sera aussi la pièce. Le titre de la pièce. Et aussi, ben, on revient sur Simon House, là, qu'on a fait jouer en tout début de l'émission. Et une autre belle pièce de son album, Spiral Galaxy Revisited. On y va tout de suite avec Tree Trap Tigers.